baisse la natalité due à la vaccination du Covid? Chaque année, on enregistre le nombre de naissances de l'année écoulée. Ainsi, les chiffres du premier semestre 2022 ont été publiés récemment. De manière assez surprenante, on constate une baisse de la natalité. Dans un communiqué de presse du parti autrichien MFG, Population, Liberté, Droits fondamentaux, le gynécologue Christian Fiala, vice-président du MFG, écrit que les chiffres de l'Allemagne et de la Suisse ont connu une baisse choquante. Dans les deux pays, on a enregistré 9 à 13% de naissances en moins par rapport aux années 2019 à 2021. Fiala a déclaré à ce sujet que c'était très surprenant, car le nombre de naissances avait énormément augmenté dans les deux pays au cours des 10 dernières années. Le recul observé rompt avec cette tendance. Fiala craint qu'il y ait là un lien avec le vaccin Covid. Le journal Weltwoche a également pris position à ce sujet le 18 août dans un article intitulé « Plus de 6000 enfants manquent à l'appel ». Stéphane Milius y pose la question de savoir s'il existe un lien avec le taux de vaccination Covid, étant donné que le recul s'observe au même rythme que le taux croissant de vaccination contre le Covid-19. Selon le Weltwoche, l'analyste de données Raimund Hagmann a élaboré avec deux co-auteurs un document de 66 pages sur le taux de natalité en Suisse. Conclusion. La preuve irréfutable d'un lien entre la baisse du taux de natalité et l'augmentation du taux de vaccination ne peut pas être apportée de cette manière. Mais l'évolution dans le temps suggère qu'une causalité est possible. La causalité signifie qu'un lien est possible. Hagmann montre ainsi que dans les cantons où davantage de personnes ont été vaccinées, moins d'enfants sont nés. Ainsi, en Suisse orientale, où le taux de vaccination était de 49,7%, il y a eu une baisse des naissances de 8,6%. À Zurich, où presque 64% de personnes sont vaccinées, la baisse serait de 18%. Malgré cela, il est difficile de prouver un lien entre la vaccination et la baisse de la natalité. Car pour cela, il faudrait connaître le comportement vaccinal du très petit groupe que représentent les futurs parents. Cela signifie qu'un lien direct ne peut certes pas être établi, mais que sur la base des chiffres, la thèse ne peut pas être simplement déclarée fausse. Stéphane Milius écrit. Hagemann et ses co-auteurs concèdent également que les statistiques ne peuvent pas apporter la preuve du lien de causalité. Mais ils demandent que l'autorisation conditionnelle du vaccin soit immédiatement suspendue par mesure de précaution jusqu'à ce que le lien soit scientifiquement prouvé ou réfuté. Le médecin et gynécologue Christian Fiala demande également avec le MFG l'arrêt immédiat des vaccinations Covid jusqu'à ce qu'une explication soit trouvée à la baisse inquiétante du nombre de naissances. Le MFG écrit dans son communiqué de presse. La fécondité revêt une importance particulière dans la vie des êtres humains. C'est pourquoi, ainsi qu'en raison des scandales massifs survenus dans le passé, par exemple avec le médicament de la thalidomide, les effets possibles sur la fertilité humaine doivent être examinés séparément pour chaque médicament avant l'autorisation. Or, cela n'a pas été fait pour le vaccin Covid. C'est aussi pour cette raison que tous les vaccins disponibles n'ont reçu qu'une autorisation conditionnelle. Par ailleurs, le MFG écrit qu'il est irresponsable et scandaleux que les premières études sur les effets sur la fertilité des femmes et des hommes n'aient été lancées qu'après l'octroi de l'autorisation conditionnelle pour les vaccins Covid. Les résultats définitifs ne sont attendus qu'à la fin de cette année ou en 2024. Chers téléspectateurs, les principaux médias ont également évoqué de manière sporadique la baisse de la natalité. Un lien avec la vaccination contre le Covid-19 a toutefois été catégoriquement exclu dès le départ. Il est pourtant de notoriété publique que les vaccins contre le Covid-19 ont été mis sur le marché dans le cadre de tests très accélérés et n'ont été autorisés que sous réserve. Les vaccins sont toujours en phase de test. De plus, ce vaccin à base d'ARNm a été utilisé pour la toute première fois chez l'homme et ce, des milliards de fois. Il est grand temps de soumettre les vaccins Covid à une étude scientifique indépendante.